بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع شرح، ما زلنا مع كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله، وكنا قد توقفنا عند قول الشيخ: والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه. Nous sommes toujours dans la traduction de Moulakhas Fekhi, donc le résumé de jurisprudence, le concile de jurisprudence. Et nous nous étions arrêtés à la parole de Cheikh Fouzan Khafadallah, lorsqu'il dit, donc, et la preuve sur l'autorisation de faire le masque sur les bandeaux, ce genre de choses, les sparadras, etc. Le hadith de Jabir, qu'Allah l'aïre. Qal, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna haja, fa shaja'ahu fi ra'sihi, thumma ihtalama fa sa'ala ashabahu. هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. Donc il est arrivé une fois, donc des compagnons qui étaient en voyage, et un des hommes parmi les compagnons a été atteint d'une pierre à la tête qui l'a blessé. Il l'a blessé fortement à la tête. Et cette nuit-là, donc après avoir été blessé, il a fait un rêve érotique, et il a demandé aux compagnons: est-ce qu'il est autorisé pour moi de faire le tayammum, donc ne pas avoir à recourir à l'eau et passer avec, donc faire les ablutions sèches? Ils lui ont dit: non, nous ne t'autorisons pas, nous ne trouvons pas d'autorisation pour toi d'utiliser le tayammum, car tu es dans la capacité d'utiliser de l'eau. Fartasala famat. Falamma qadimna ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ukhbira bidhalik. Le problème, c'est qu'il s'est. Il leur a obéi, entre guillemets, il a fait les écouter, il a fait ses grandes ablutions avec de l'eau, et à la suite de quoi il est mort. Donc, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le prophète, alayhi sallam, ils lui ont informé de cette anecdote. Faqala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qataluhu qatalahum Allah, ala sa'alu idha lam ya'lamu, fa innama shifa'u al-'ayyi su'al. Donc, il dit qu'ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ils auraient dû questionner s'ils ne savaient pas. Ils auraient dû demander s'ils ne savaient pas. Car la guérison de l'égarement, c'est la question. Innama kana yakfihi an yatayammama wa yu'assiba ala jarhihi khirqatun thumma yamsahu alayha. Rawahu Abu Daoud, Ibn Majah wa Sahih Ibn Sakkan. Donc il lui suffisait, donc à la personne qui est décédée, un compagnon qui est décédé, radiallahu anhu, il lui suffisait de faire le tayammum et de mettre un bandeau ou ce genre de choses autour de sa blessure, donc la tête, et de passer ses mains dessus. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. ثم يقول شيخ فوزان حفظه الله: محل المسح من هذه الحوائل يمسح ظاهر الخف والجورب ويمسح أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح على جميع الجبيرة. Donc, quels sont les endroits sur lesquels on doit passer pour faire le masque, pour passer donc ses mains mouillées dessus? Quels sont les endroits sur lesquels on doit passer? Donc, sur ces obstacles qui sont entre le, comme j'avais dit, entre la peau et nos mains, donc, comme les chaussures, les sandales, les chaussettes et ce genre de choses. Donc, il faut passer les mains sur la partie supérieure de la sandale ou de la chaussette. Il faut passer les mains sur la partie supérieure de la sandale ou de la chaussette. Et il faut, pour celui qui est né main, donc on a vu le turban, et il faut passer sur la grande majorité, pour ne pas dire tout le turban. Il faut passer sur tout le turban, en particulier ces parties circulaires. Donc si ça fait un tour là, voilà, bien passer tout autour du turban. Et il doit passer, s'il est un bandeau, il doit passer sur le bandeau tout en entier. De façon, il doit passer entièrement sur le bandeau. وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه. Donc il nous décrit sur comment faire pour faire le masque. Donc il faut prendre, pour avoir les mains mouillées, donc prendre les doigts des mains, les poser entre guillemets place sur les doigts des pieds, et les faire remonter jusqu'au donc sur la partie supérieure des pieds, jusqu'au bas du tibia. يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. Donc on est en lavant, en essuyant, pas sans faire dans les mains, sans passer ses mains. Donc de la main, avec la main droite sur son pied droit et avec la main gauche sur son pied, sur son pied gauche. Sur son pied gauche. ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. D'accord. Et il écarte ses doigts et il ne répète pas le masque. Il fait juste une fois, juste un passage simple. Donc sur le sud de la partie supérieure des pieds comme ça, du haut hein, des orteils donc jusqu'en bas du tibia. Une seule fois, juste un passage en écartant les doigts. وفق الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. Donc je termine ce chapitre en disant qu'Allah nous donne le succès pour acquérir la science utile et la bonne œuvre. ثم انتقل الشيخ الى باب جديد بعنوان باب في بيان نواقض الوضوء. Chaque fois, on aura un nouveau chapitre. Il s'intitule donc le chapitre des actes annulatifs des ablutions, des choses qui annulent les ablutions. عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on a vu dans les chapitres précédents comment on fait ces ablutions avec ses conditions, ses obligations et ses choses sunnah, ces choses recommandées, comme nous l'a montré le prophète عليه الصلاة والسلام. فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصح منك. Donc après avoir ça, nous sommes dans besoin, nous avons un grand besoin de savoir ce qui annule ces ablutions. Les choses, nous devons savoir, après avoir vu comment faire les ablutions, comme les foi, les conditions, les piliers, les sunnahs, il faut savoir maintenant ce qui annule les ablutions, pour ne pas justement rester sur un autre qui n'est plus valable. Pour ne pas rester sur une ablution qui n'est plus valable, et auquel cas, l'adoration, que tu as faite, en te basant sur cette odeur qui est plus valable, elle sera plus valable elle non plus. فَعْلَمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أَنَّ لِلْوُضُوءِ مُفْسِدَاتٍ لَا يَبْقَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهَا لَهُ تَأْثِيرٌ. Il a dit aux gens qu'il s'est soumis à Allah qu'il y a des actes qui annulent les ablutions. Et ces actes, une fois que vous les avez commis, là, les ablutions n'existent plus, elles sont annulées. فَيَحْتَاجُ إِلَى اسْتِنَافِهِ من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. Donc auquel cas, donc comme vous avez perdu, il faudra forcément les refaire. Surtout en particulier si vous voulez faire un acte, une adoration qui nécessite d'avoir les ablutions, comme on a vu la prière et aussi le tawaf par exemple. Donc quand vous avez attention de refaire une adoration qui nécessite des ablutions alors que vous les avez perdues, forcément il faudra les refaire. وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات والمعنى واحد. Donc là, c'est un vocabulaire en arabe, ça a plusieurs noms en fait. Hein. Ces mufsidat, là, on les appelle nawaqid, mubtilat, et toutes choses, tous ces noms-là indiquent en fait une seule et même chose, c'est-à-dire les actes qui annulent vos ablutions. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع. Donc quelles sont les choses qui invalident les ablutions qui les rendent nulles, hein, notre religion nous les a indiquées. وهي عيال تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. D'accord, donc ce sont des choses qui font que les ablutions perdent leur caractère d'ablution. On les a plus en fait. Hein. Ce sont des choses qui font que les ablutions s'annulent. وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط والسائر الخارج من السبيلين. Donc il précise quels sont les genres de choses qui peuvent annuler les ablutions. Les premières choses, ce sont des impuretés qui en elles-mêmes annulent les ablutions. Il donne des exemples comme l'urine, la selle et tout ce qui sort des orifices naturels. وإما أسباب للأحداث، أو ce sont des événements. On y donnera des exemples après, chers, vous parlez mieux. Ou des événements qui font que on est devenu des impuretés. Des événements qui font qu'on est devenu des impuretés, qu'on a perdu nos ablutions. بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث. En sens où ces choses-là, donc si elles arrivent, ces événements-là, si elles arrivent, on a un doute, un fort doute que on a perdu justement ces ablutions à cause de ces événements-là. Il donne des exemples là sur le verset d'Allah. كزوال العقل أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه فأقيمت المظنة مقام الحدث. Voilà, chaque fois, le prophète d'Allah donne des exemples. Donc, celui qui perd sa raison, par exemple. En soi, c'est pas comme de l'urine, c'est pas comme de la selle. Celui qui perd sa raison, c'est un événement où, qui a dormi profondément, qui a dormi pour le sommeil profond, ou l'évanouissement. L'évanouissement où la personne qui est possédée est devenue folle, qui a perdu sa raison également. Donc, celui qui perd sa raison, il ne ressent pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Donc, hein, ce soupçon-là, le fait qu'il ne ressent pas ce qui lui arrive, ça a pris la place de la pureté. Hein, cet événement-là a pris la place de la pureté, comme le goût, l'urée, la femme qu'on a, ou la selle, etc. Il est bien, il y a une vérité de passer. Donc, on va voir maintenant en détail chacun des cas. Voilà, donc il n'y a pas des choses qui annulent les ablutions. Hein, on va voir chacun des cas des choses qui annulent les ablutions. Voilà, elle kharijou min sabil, aïe min makhraj il bawli wal ra'if. والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو ماذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا. Voilà, toutes ces choses-là, donc qui annulent les ablutions, donc les choses qui sortent des orifices naturels. Les choses qui sortent des orifices naturels, hein, comme l'urine, comme la selle, comme ça peut être aussi, donc l'urine, la selle, ça peut être faire du liquide spermatique ou le sang. Qui suit, ça c'est concerné les femmes, le sang qui suit celui des règles, pas le sang des règles, hein. Le sang qui suit celui des règles, ou ça peut être aussi des gaz, hein. Ça peut être aussi des gaz. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال تعالى في موجبة الوضوء أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط. Il dit si c'est ça, pour ce qui sort des orifices, si c'est soit de l'urine, soit la selle, ça à l'unanimité des savants. À l'unanimité des savants, et parmi dans les textes de la Sunna, ça annule les ablutions. Donc l'urine et la selle, ça annule les ablutions. Hein, Allah est dans le sens du verset, et lorsque l'un d'entre vous revient de l'endroit où il a fait, où il est attalé à la selle. Wa in kana maniyan ou madiyan, fa huwa yanthuru al-wudu bidilalati al-ahadith as-sahiha. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. Donc, le chapitre de l'Allah dit, donc si c'est du sperme, du liquide spermatique, le liquide qui précède le sperme, ça annule également les ablutions. Ça annule également les ablutions en conformément aux hadiths authentiques qui ont été rapportés à ce sujet. Et ibn al-Mundhir, rahimahullah, il rapporte même qu'il y a unanimité des savants à ce sujet. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة وهو دم فساد لا دم خير لحديث فاطمة بنت أبي جبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي وصلي فإنما هو دم ودم على وروى أبو داود والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات. Et ça aussi, donc le sang qui suit le sang des règles par la femme qui s'est menstruée. Elle a eu ses manchus, sa manchus s'est terminé. Il se peut qu'elle a fait des petites fuites, genre de ce sang-là, de ce sang-là. Il n'y a pas le sang des manchus, pas des manchus, ça, celui-là. Hein? Celui-là, c'est un sang mauvais. D'accord? C'est un sang mauvais. Et pareil pour ce sang-là, lorsqu'il coule, il faut refaire ses ablutions. C'est un acte qui annule ses ablutions. Wakada, yanruz al-wudu, khuruj al-dri, bidilalati al-ahadith as-sahiha wa bil-ijma'. Et ce qui annule aussi également les ablutions, les gaz. Hein, les personnes qui font des gaz, et ça, également à l'unanimité des savants et selon les hadiths authentiques à ce sujet. قال صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, donc Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous qui en est là d'adopter jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. وقال صلى الله عليه وسلم في من شك على هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. La particularité va préciser donc en ce qui concerne celui qui a un doute d'avoir fait un gage ou pas, s'il a fait un gage ou pas, s'il doute de ça, s'il a fait un gage ou pas, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il ne doit pas quitter la prière, il ne doit pas quitter. écouter la société d'Allah, la société d'Allah, faire avec ses ablutions, tant qu'il n'est pas sûr d'avoir entendu un son ou il n'a pas senti le l'air. Il faut avoir des doutes, est-ce que ça l'est, est-ce que ça n'est pas. Là, comment faire, c'est de savoir, est-ce qu'on a eu un son, on a entendu le son, ou on a le l'air. Si vous avez passé des choses-là, vous avez entendu, ça n'est pas les ablutions. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه على قولين والراجح أنه لا ينقض لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. Il y a aussi des écoulements qui peuvent sortir du corps en dehors des orifices naturels, par une blessure, des choses qui sortent. Ou des saignements de nez, par exemple, ou le, voilà, du sang suite à une blessure, ou le vomissement. Hein, dans ce cas-là, il y a une divergence à ce sujet chez les savants. Il y a une divergence à ce sujet chez les savants. Et est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Selon deux avis. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent que non. Mais Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit que l'avis le plus fort est que ces choses-là n'annulent pas les ablutions. N'annulent pas les ablutions, mais hein, s'il veut sortir du doute, si ça ne nous arrive pas qu'il le fasse, comme ça c'est mieux, il sera sorti de la divergence. C'est pas interdit de refaire. Donc si vous avez un doute à ce niveau-là, le Fawzan préconise de refaire ces ablutions, comme ça vous sortez de la divergence. Thaniyan, deuxièmement, min al-nawaqi, zawal al-aqli aw taghtiyatuhu, wa zawal al-aqli yakunu bi junun wa nahwihi. Donc le Fawzan Hafidhahullah dit deuxième cas, les actes qui invalident les ablutions. Donc le fait de perdre la raison. Le fait de perdre la raison. Car comment on perd la raison? Quand on est possédé, par exemple, quand on est dans un état de démence ou autre. Hein, mais c'est les cas les plus connus. Wa tarqiyatuhu yakunu bin naumi aw al-ighma wa nahwihima. Ou quand on est dans un sommeil profond aussi. Donc on dit aussi, en plus d'être possédé, il y a d'autres choses aussi qui amènent les ablutions. Le fait d'avoir dormi profondément, d'avoir perdu la raison. En raison d'un sommeil profond, ou suite à un évanouissement, évidemment. Suite à un évanouissement, ou ce genre de choses. فَمَنْ زَلَ عَقْلُهُ أَبْغُطِيَا يَبِنَوْمِنْ وَنَحْلُهُ وَانْتَخَذَ وَضُقُهُ. Donc cette personne-là, qui a un sommeil profond, ou qui s'est évanoui, hein, suite à ça, donc ses ablutions deviennent invalides. Hein, cela annule les ablutions. Donc le sommeil profond et l'évanouissement, cela annule les ablutions. لأن ذلك مظنة خروج الحدث. Pourquoi? Parce qu'on est dans cet état-là, on ne sait pas ce qui nous arrive. On ne sait pas ce qui nous arrive, donc on a un soupçon. Savoir qu'on a un soupçon, une grande probabilité qu'on est dans un état d'impureté, on ne peut pas le savoir. Voilà, il y a un esprit, donc on ne peut pas le ressentir quand on est dans cet état-là. Quand on est évanoui, quand on est dans un sommeil profond, on ne sait pas si on est dans l'état d'impureté ou pas. إلا يسير النوم إلا يسير النوم فإنه لا ينقض الوضوء. Il par contre il précise sur le voisin, par contre si concerne le sommeil léger, la somnolence, c'est quoi? Le sommeil, on ferme les yeux, on sait ce qui se passe autour de nous, on a encore notre raison, etc. Ce sommeil-là n'annule pas les ablutions. C'est uniquement le sommeil profond qui fait perdre la raison, on sait plus ce qu'on fait. Celui-là, il fait perdre les ablutions. Par contre, le sommeil léger, celui que la somnolence, celui dont on sait ce qui se passe autour de nous et quand on nous appelle, on va se réveiller tout de suite. On sait ce qui se passe, etc. On n'a pas perdu la raison. À demi en train de dormir, on se parle. Ce sommeil-là n'annule pas les ablutions. Ce sommeil-là n'annule pas les ablutions. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة. La preuve, c'est que les compagnons, ils étaient atteints par cette somnolence avant d'entendre la prière. Et ils attendaient la prière, d'accord? Et ils attendaient la prière. Vous m'entendez-vous de salat? Non, mais j'étais atteint de la somnolence, qui sommeillait, j'ai pas le sommeil profond, le sommeil ne fait pas perdre la raison. Et ils attendaient la prière. وَإِنَّمَا يَنْقُضُهُ النَّوْمُ الْمُسْتَعْرَفُ الْمُسْتَعْرَفُ. Et ce qui annule vraiment les ablutions, c'est le sommeil profond. Le sommeil profond quand on est vraiment parti. جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ. D'accord? Ceci en regroupant toutes les preuves. ثالثًا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. Troisième cas des actes qui annulent les ablutions, c'est le fait de manger de la viande de chameau. La viande de chameau, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité, hein, conformément au hadith authentique qui a été rapporté à ce sujet-là, au sujet du prophète sallam, qui est clair. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc sur la tradition de notre tradition, sur le fait de faire les ablutions après avoir mangé du chameau, d'autres, l'imam Ahmed رحمه الله dit qu'il y a deux hadiths authentiques du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. Par contre, quelle que soit la viande en dehors de celle du chameau, ça n'annule pas les ablutions. Le fait de manger de la viande autre que celle du chameau, ça n'annule pas les ablutions. وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل ينقض الوضوء أو لا. Et là maintenant je parle des points qui, au sujet desquels les savants ont divergé. Est-ce qu'elles annulent les ablutions ou pas? وهي مس الذكر ومس المرأة بالشهوة وتغسيل الميت وردة عن الإسلام. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء. Il ramène les exemples. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah. Donc, le fait de toucher, c'est parti. Le fait de toucher, c'est parti. Le fait de toucher une femme avec plaisir. Le fait de laver le mort. Et le fait de sortir de l'islam. Certains savants ont dit que toutes ces choses-là annulent les ablutions. Toutes ces choses-là annulent les ablutions. ومنهم من قال لا ينقض والمسألة محل نظر واجتهاد لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. Chapuzan dit, il y a d'autres savants qui disent que non. Le fait de toucher, c'est parti par exemple, les choses qu'on vient d'évoquer, le fait de toucher une femme avec plaisir, etc., ça n'annule pas les ablutions. Certains disent que ça n'annule pas les ablutions. Et Chapuzan dit que ces questions-là sont sujets à effort d'interprétation, selon les savants. À effort d'interprétation chez les savants. Et il dit, mais si la personne, pour sortir justement encore de cette divergence tout à l'heure, s'il refait ses ablutions, l'affaire est arrivée. Alhamdulillah, il sera sorti de la divergence et c'est mieux pour lui. Donc, Cheikh Fawzan voit qu'il faut, si tu peux le refaire, c'est mieux, même s'il voit que ça ne les aille pas. Et il dit qu'il faut le refaire comme ça, vous sortez de la divergence. Hala, wa qad baqiyat mas'alatun muhimma tata'allaq bi hadha al-mawdu' wa hiya. من تيقن الطهارة ثم شك في حصول الناقض من نواقضها ماذا يفعل؟ Donc il nous reste un point à voir, un point important qui a rapport avec ce sujet. Donc celui qui a la certitude d'être en état de pureté, celui qui a la certitude d'être en état de pureté, et il doute s'il a perdu ses ablutions ou pas. Il est sûr d'avoir fait ses ablutions. Par exemple, à 17h et à 18h, la salade arrive, il se dit, est-ce que j'ai un doute si j'ai perdu mes ablutions ou pas? J'espère que l'exemple est clair. Donc, il fait ses ablutions à 17h, il est sûr d'avoir fait ses ablutions. Et à 18h, la salade arrive, entre 17h et 18h, il ne sait pas s'il a fait un gage ou il y a une toilette, il doute de ça. Mais il est sûr d'avoir fait ses ablutions. La qasabata an rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith alladhi rawahu muslim, an abi hurayrata radiallahu anhu, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qal, idha wajada ahadukum fi batnihi shay'a, فأشكل عليه أخرج منه شيئا من أمخر أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Donc le professeur Salim il a le sujet, si l'un d'entre vous sent quelque chose dans son ventre, comme s'il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'âge, il doute de ça, il se pose la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de mon ventre ou pas, par les orifices naturels, il dit qu'il ne sait que cette personne-là, qu'elle ne sort pas de là aussi. Jusqu'à ce qu'elle soit sûre de ne pas avoir entendu un bruit, de ce gaz par exemple, ou de ne pas avoir ressenti une odeur. Donc de ne pas avoir entendu un bruit ou de ne pas avoir senti une odeur. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَمَا جَاءَ بِمَعْنَاهُ عَلَى الْمُسْلِمَ إِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اتِّقَادِهَا أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى الطَّهَارَةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ. Voilà, c'est une règle très importante. Donc ce hadith montre bien que si une personne elle est sûre d'être en état de pureté, et elle doute si elle les a perdu des ablutions ou pas, elle reste sur la certitude. Elle reste sur la certitude ici qui est l'état de pureté. Donc elle ne refait pas des ablutions, elle est en état de pureté. D'accord ? Si la personne avait ses ablutions, elle est sûre de ça. Et elle doute si elle les a perdues ou pas, elle reste sur la certitude. Elle ne fait pas attention au fait qu'elle a son doute, elle reste sur la certitude, car c'est ça la base. Donc elle est sûre de ça. Elle reste sur la chose sur laquelle elle est sûre. وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. Donc elle est sûre d'avoir fait les ablutions, elle doute sur le fait de les avoir perdus ou pas. Donc elle reste sur la certitude. Donc elle est en état de pureté. Elle ne recommence pas les ablutions car on n'enlève pas la certitude par un doute. On n'enlève pas la certitude par un doute. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء. Et cette règle-là, c'est une règle importante, hein, énorme et générale pour toute chose. Elle est valable pour toute chose. أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها. Donc on reste sur la base, on reste sur la certitude, juste qu'on est sûr aussi, une autre certitude qui vient nous dire qu'on est, qui vient annuler cette première certitude. Voilà, par exemple, on a à 17h. On a fait des ablutions, on est sûr de l'avoir fait à 17h30, on est sûr de les avoir perdus, la classe. Hein? Là, la deuxième certitude, elle annule la première. Donc là, à ce moment-là, on doit refaire les ablutions. Mais si on doute seulement, après avoir la certitude d'avoir fait les ablutions, là, on ne fait pas attention à ce doute. Mais si on est certain d'avoir perdu ces ablutions après les avoir fait, la classe. Là, le doute, c'est plus du doute, c'est de la certitude, donc on refait ces ablutions. وكذلك العكس فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بشك. Voilà, pour raisonner à la verte aussi. Voilà, on est dans le cas maintenant, on est sûr d'avoir perdu les ablutions. On est sûr d'avoir perdu les ablutions. Bon, à 17h, on est sûr d'avoir perdu les ablutions. Là, c'est la certitude. Et, c'est la même règle, vous allez voir. Et, 17h30, voilà, la salade arrive. Et on se demande si on a fait les ablutions ou pas. On se demande. Donc la certitude, c'est de les avoir perdus. Mais d'accord. La certitude, c'est de les avoir perdus. Et on doute de nos ablutions. Dans ce cas-là, il faut refaire ces ablutions. Parce qu'on reste sur la certitude. D'accord. J'espère que c'est bien clair. On reste sur la certitude. Ici, dans ce cas-là, dans le deuxième cas, on est sûr d'avoir perdu ces ablutions. Et on doute de les avoir faites. Donc on reste sur la certitude qui est de les avoir perdus. Et dans ce cas-là, il faut refaire ces ablutions. Pareil, parce que la certitude, elle ne s'enlève pas par le doute. Donc, on est dans le deuxième cas, on est sûr d'avoir perdu ses ablutions, on doute, si on doute de savoir si on a fait nos ablutions ou pas, on reste sur la certitude qui est de les avoir perdues. Akhil Moussé, « Alayka bil muhafazati ala taharati lis salati wal ihtimam biha, li annaha la tasih salatu biduni tahour. » Donc, frères musulmans, hein, il est ton devoir de préserver, hein, d'être assidu à la purification pour la prière et d'en prendre soin et d'y prêter une grande attention, car une prière n'est pas valable sans purification. Une prière n'est pas valable sans purification. كما يجب عليك أن تحذر من الوساوس وتسلط الشيطان عليك. Pareil aussi, il faut que tu prennes garde des incitements de Shaitan. Et que le fait que Satan prenne le dessus sur toi. Ça, il faut aussi faire des efforts pour ne pas être, hein, colonisé, envahi par Satan et ses insufflations sur le nom de Jésus. Et c'est où ça, oui, ça, la colère. C'est l'insufflation. بحيث يخيل إليك انتقاد طهارتك ويلبس عليك. Voilà, il vient Satan et il te dit, voilà, tu les as perdus alors que tu es sûr que tu les as pas, hein, tu les as encore. Il vient Satan, il vient t'insuffler, il les a perdus, etc. Ce genre de choses. Donc, il faut faire un peu, faire preuve d'effort, etc. Et les rejeter. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ. Voilà comment tu fais ça. Tu demandes protection de Allah contre son mal. Donc mal de Shaitan, a'udhu billah, par exemple, le Shaitan est rajim. وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى وَسَوَاسِهِ. Et ne prête pas attention à ces insufflations. Ne prête pas attention à ces insufflations. وَاسْأَلْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَمَّا أَشْكَلْ عَلَيْكَ مِنَ أُمُورِ الطَّهَارَةِ. Et demande aux gens de science si tu as des questions, hein, si tu as des interrogations au sujet des choses qui ont trait à la purification. لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكَ. Hein, pour que tu fasses tes adorations, hein, comme il se doit, comme la législation te le demande. وَاهْتَمَّ أَيْضًا بِطَهَارَةِ ثِيَابِكَ مِنَ النَّجَاسَةِ لِتَكُونَ صَلَاتُكَ صَحِيحَةً وعباداتك مستقيمة فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. Il dit, fais attention aussi, hein, à la pureté de tes habits. Hein, parce que tes habits soient également purifiés pour que ta prière soit valable et pour que toutes tes adorations soient valables également. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset qu'il aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. وفق الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وقال لهم ذكروا التشريف وفوا حاكم ولا سوتيل إلى لزل بنزل. ثم باب آخر بعنوان باب في أحكام الغسل. باب في أحكام الغسل. Donc un chapitre sur les règles relatives aux grandes ablutions. الغسل الأبشو مجهول. عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر. Donc on a vu dans les chapitres précédents hein, toutes les choses, hein, les règles relatives à la purification des impuretés mineures, les petites impuretés, les petites, donc ce qui nous font faire les petites ablutions et ce qui l'annule. Donc il est maintenant on a besoin de savoir maintenant les règles qui ont trait à la purification des impuretés majeures. C'est parce qu'on a vu les impuretés mineures, maintenant on va voir les règles relatives aux impuretés majeures. جنابة كان أو حيضا أو نفاسا. Voilà, il y a des exemples. Donc, ensuite, par exemple, la janaba. Janaba, par exemple, c'est-à-dire rapport conjugaux. Là, on est en état de janaba. Ça demande des grandes ablutions. Ou suite à des menstrues. Se purifier des menstrues, c'est des grandes ablutions. Ou les louchis, donc la période qui suit l'accouchement. La période de 40 jours qui suit l'accouchement. Ça aussi, ça demande comme purification des grandes. وهذه الطهارة تسمى بالغسل. وكمان نقول سال سوالا سبيريفيكاسيون سال غسل. donc les grandes ablutions. الغسل الوضوء donc les petites ablutions. الغسل les grandes ablutions. بالغسل بالضم الغين وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. et c'est quoi le غسل dans la bénédiction chaque fois que voilà donc c'est le fait d'utiliser de l'eau. Donc pour tout le fait d'utiliser de l'eau dans tout le corps, pour que l'eau atteigne toutes les parties du corps, selon un descriptif bien défini, qu'on va démontrer par la suite. والدليل على وجوبه قول الله تعالى وإن كنتم جنما فطهروا. Et quelle est la preuve du rôle des grandes ablutions? C'est la parole de l'obligation des grandes ablutions, c'est la parole d'Allah, parce qu'il dit dans le sens du verset que si vous êtes en état de janaba, si vous êtes en état de janaba, donc purifiez-vous. وقد ذكر أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم. Même le rapport sur Coran nous dit que le ghusl de la janaba, de grandes ablutions, des grandes impuretés, il est utilisé. On faisait le ghusl déjà à l'époque anti-islamique, à l'époque de la jahiliya. Et il dit que c'est un des restes de la religion d'Ibrahim qui était chez eux. C'est un des restes de la religion d'Ibrahim والسلام, qui était chez eux. ومجبات الغسل ستة أشياء إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. Donc chef Ozan, chef Abdallah, il dit il y a six choses qui rendent le ghusl des grandes ablutions obligatoires. Il y a six choses qui rendent les grandes ablutions obligatoires. Et si l'un de ces six points vous atteint, il est obligatoire pour vous de faire les grandes ablutions. أحدها, donc le premier point, خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم. Donc là, l'éjaculation. Le premier point, l'éjaculation de sperme, que ce soit pour l'homme ou que ce soit l'équivalent pour la femme. Et cette chose-là, elle ne peut arriver que dans deux cas. Soit vous êtes éveillé, soit vous êtes en train de dormir. فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه. شيخ وزن الله قال si vous êtes éveillé, اليقظة en train de dormir, si vous êtes éveillé, une condition pour que cette éjaculation oblige les grandes ablutions, il faut que ça sorte avec plaisir. Il faut que le sperme sorte avec plaisir. فإن خرج بدون لذة, s'il sort sans plaisir, لم يجب الغسل. Le ghusl n'est pas obligatoire. Les grandes ablutions ne sont pas obligatoires. Cheikh Hassan dit que si le sperme sort sans plaisir, il va donner des exemples pour moi tout à l'heure, il n'est pas obligatoire. La condition pour refaire les grandes ablutions, c'est qu'il faut que ce sperme sorte avec plaisir. كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك. كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك. Une personne qui est malade. comme une personne qui est malade ou une personne qui ne peut pas se retenir. Une personne qui ne peut pas se retenir. وَإِنْ خَرَجَ فِي حَلِ النَّوْمِ وَهُوَ مَا يُسَمَى بِالْإِحْتِلَامِ وَجَبَ الْغُسْلُ مُطْلَقًا. Il dit par contre, quand vous êtes en état en train de dormir, hein, il y a certains rêves érotiques par exemple, ou pas, hein, et dans ce cas-là, il est obligatoire de faire le ghusl de façon absolue. D'accord ? Là, il n'y a pas de plaisir ou pas. Qu'il sorte avec plaisir ou pas, hein, si le sperme sort alors que vous êtes en train de dormir, là, vous devez obligatoirement refaire le ghusl. لِفَقْدِ إِدْرَاكِهِ. Parce que, justement, vous avez perdu la raison. فَقَدْ لَا يَشْعُرْ بِاللَّذَّةِ. Donc, de toute façon, même dans cet état-là, il peut ne pas ressentir ce plaisir. فَالنَّائِمْ إِذَا سَيْقَدَ وَوَجَدَ أَثَرَ الْمَنِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلِ. Donc, la personne qui dormait, qui se lève, et qui voit les traces, justement, de sperme qui est sorti, là, il est obligatoire pour elle de faire les grandes ablutions. وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلِ. وَإِنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مَنِيٌّ وَلَمْ يَجِبْ لَهُ أَثَرًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. Et si par exemple il fait un rêve érotique, mais sans éjaculation, sans avoir éjaculé, et il ne voit aucune trace de sperme, dans ce cas-là, il ne doit pas faire ses ablutions. Ce n'est pas le rêve érotique en lui-même qui fait perdre les ablutions, c'est l'éjaculation qu'il a fait perdre, et qu'il doit faire faire les grandes ablutions. الثاني, le deuxième point, parmi les points qui rendent le ghusl obligatoire, من موجبات الغسل علاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل انزال. Et il dit aussi Cheikh Fawzan, le deuxième cas, donc la pénétration. Hein? Le fait de faire entrer, de faire même mettre en contact les parties génitales donc de l'homme et de la femme, même s'il n'y a pas éjaculation, le simple contact entre les deux parties génitales, ça rend le ghusl obligatoire. الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبيها الأربع ثم مس الختان فقد وجب الغسل. Voilà, donc c'est, voilà, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, donc si donc ces deux parties-là, dans le sens du hadith, si ces deux parties-là sont entrées en contact, hein, il est obligatoire de faire les grandes ablutions, donc la pénétration, même sans éjaculation, ça rend les grandes ablutions, obligatoires. فيجب الغسل على الوضع والموطوء بالعلاج. Donc il est obligatoire pour les deux personnes, donc pour l'homme et la femme, dans ce cas-là, de faire les grandes ablutions, de faire le ghusl. ولو لم يحصل انزال. ولو لم يحصل انزال, même s'il n'y a pas d'éjaculation. لهذا الحديث, selon le hadith que nous venons de voir. والاجماع والاجماع على اهل العلم على ذلك. Il y a même unanimité des savants à ce sujet. Hein? Donc il y a unanimité des savants à ce sujet. الثالث, le troisième cas, من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر. فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. Donc troisième cas, Cheikh Fawzan ramène donc un mécréant qui se convertit à l'islam. Donc un mécréant qui se convertit à l'islam, hein, il lui dit qu'il est obligatoire pour lui de faire ses grandes ablutions car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à certains qui se sont convertis de faire des grandes ablutions. وَيَرَى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيَرَى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Ça c'est une partie des savants qui disent ça, pardon. وَيَرَى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ اغْتِسَالَ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ مُسْتَحَبٌ. Et beaucoup de gens de science voient que le ghusl pour une personne qui vient de se convertir est recommandé. Pas obligatoire, mais recommandé. Voilà, il s'agit d'ouage, donc n'est pas obligatoire. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم. Donc Cheikh Fawzan dit, car il n'a pas été rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم demandait à toute personne qui se convertissait de faire les grandes ablutions. Donc il dit que ça, c'est une preuve que pour lui, je présente que la chose n'est pas obligatoire, mais recommandée. Hein? La plage n'est pas obligatoire, mais recommandée pour regrouper tous les preuves à ce sujet. Et Allah est le plus savant. Al-Rabi, le quatrième point qui force, qui oblige à faire les grandes ablutions. Min mujibat al-rusli al-maut. Fayajib al-tafsid al-mayyit ghayr al-shahid fi al-ma'aka. Fa'innahu la yursal. Wa tafasil dhalika ta'ati fi ahkam al-janaiz, insha'Allah. Donc le quatrième point, hein, la personne qui est décédée. La personne qui est décédée, on doit la, on doit la laver. On doit les faire, on doit faire le, on doit la laver. Hein, sauf le martyr qui meurt hein, sur le terrain de guerre, sur le terrain de, sur la bataille, en bataille. Hein, celui-là, on le lave pas, on le lave pas. Et les détails concernant le chéri, etc. et le lavage du mort viendront, inchallah, dans le chapitre relatif aux règles de la mort, inchallah. Al-Khamis wa al-Sadis min mujibat al-Ghusl al-Hayr wa al-Nifas. لقوله وإذا لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذهبت حيضتك فاغتسل وصلي وقوله تعالى فإذا تطهرنا يعني الحيض الحيض تطهرنا بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. Donc le cinquième et le sixième point, Cheikh Fawzan dit, حفظه الله, parmi les choses qui rendent le rousse, les grands ablutions obligatoires, donc les menstrues et les louchis. Hein, les menstrues et les louchis sont la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Lorsque tes menstrues sont là, lorsque tu n'auras plus tes menstrues, fais tes grandes ablutions et fais la prière. Et la parole d'Allah, donc si, et si tu te purifies, hein, donc en parlant donc, si tu te purifies, c'est-à-dire donc les celles qui ont leurs menstrues, elles se purifient comment? En faisant les grandes ablutions à la fin de leur menstrues. Hein, elles font leurs grandes ablutions à la fin de leurs menstrues. Wa sifatul ghusli al-kamil. Cheikh Fawzan maintenant va nous décrire comment faire les grandes ablutions de la façon la plus complète. Al-Nyanwiya biqalbihi. Premièrement, il faut avoir l'intention. Hein, l'intention, on l'a déjà vu, c'est dans le cœur. Voilà, on en sera. Donc la première chose, c'est avoir l'intention. Al-Nyanwiya biqalbihi. Thumma yusammi wa yaghsil yadayhi thalathan wa yaghsil farjahu. Cheikh Fawzan dit, Ahmadallah, donc après il dit Bismillah, puis il lave ses mains trois fois et il lave ses parties. Il lave ses mains trois fois, puis il lave ses parties. ثم يتوضا وضوءا كاملا. Après avoir fait ça, il fait ses ablutions de façon complète, comme s'il faisait ses ablutions. Hein, donc les mains, le visage, etc. Comme s'il faisait ses ablutions. Il fait ses ablutions, les petites ablutions. ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي أصول شعره. Donc après, il jette de l'eau, hein, il jette de l'eau sur sa tête trois fois. Et il va bien jusqu'à la racine. Il va bien jusqu'à la racine des cheveux. Il va bien jusqu'à la racine des cheveux. ثم يعم بدنه بالغسل. Ensuite, après ça, il fait passer de l'eau sur son corps tout entier. Hein, il faut que toutes les parties de son corps soient atteintes par l'eau. ويدلك بدنه بيده ليصل الماء إليه. Et il frotte. Hein, je vous ai dit, il faut le frotter avec ses mains pour que l'eau atteigne toutes ses parties. Tout à l'heure, pas oublier, hein, quand on a dit qu'on doit faire ces petites ablutions, il ne faut pas oublier le. C'est compris dans la bouche et le nez. Hein. D'accord? La bouche et le nez. وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ تَنْقُضُ رَأْسَهَا بِالْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَأَمَّا الْجَنَابَةُ فَلَا تَنْقُضُهُ حِينَ تُغْتَسَلُ لَهَا لِمَشَقَّةِ التِّكْرَارِ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْبِي أُصُولَ شَعْرِهَا بِالْمَاءِ. Il dit par contre à la femme donc, qui sort de ses menstrues, ou c'est, je vais pas vous mentir là, j'ai un petit trou, je vais pas dire n'importe quoi. Inch'Allah, je vais avoir cette partie-là, je vous dirai quoi la semaine prochaine, Inch'Allah. ثم يقول الشيخ فوزان حفظه الله ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره وما غابين بدنه وما تحت حلقه وإبطه وسرته وطي ركبته. Donc, Cheikh Fawzan dit qu'il est obligatoire aussi pour celui qui fait ses grandes ablutions, que ce soit un homme ou une femme, d'inspecter, de vraiment faire très attention à la racine de ses cheveux et aussi à tous les endroits où il y a des pliures dans le corps. Hein, les intersections, les articulations, là, tu vois, au niveau du coude, derrière les genoux, etc., au niveau des aisselles, hein, dans le pubis, etc. Dans toutes ces parties où il y a des parties, donc des pliures, etc., de faire très, très attention. لابسا ساعة أو خادما فإنه يحركهما يصل الماء إلى ما تحتهما. Donc la personne qui fait ses grandes ablutions avec une montre ou une bague, donc qu'elle la bouge, qu'elle la fasse bouger au moins, qu'elle les enlève pour que l'eau puisse atteindre ce qu'il y a en dessous de cette bague ou de cette montre. وهكذا يجب أن يهتم بإصباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء. Cheikh Fawzan dit il est donc obligatoire de faire très attention à ce que l'eau atteigne bien toutes les parties du corps. toutes les parties du corps. Il ne faut pas qu'il y ait une partie du corps qui n'ait pas été atteinte, qui n'ait pas été atteinte par l'eau. وقال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر رواه أبو داود والترمذي. Donc Cheikh Fawzan dans le hadith du Prophète sallam, en gros derrière, le Prophète sallam il dit en dessous de chaque poil, en dessous de chaque cheveu entre guillemets, en dessous de chaque poil il y a une janaba. Il y a une janaba. Donc faites bien vos grandes ablutions. Faut faire bien vos grandes ablutions, il faut vraiment toutes les parties du corps, quelles qu'elles soient, du haut en bas, de haut en bas, soit atteint par l'eau. ولا ينبغي له أن يصرف في الصب الماء فالمشروع تعتريد الماء مع الإسبار فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فينبغي الاقتداء به في تحليل الماء وعدم الإسراف. الشيخ فوزان حفظه الله dit donc il est de notre devoir également de ne pas gaspiller l'eau. Il est de notre devoir de ne pas gaspiller l'eau dans quand vous faites les grandes ablutions. Donc utilisez la quantité minimale d'eau nécessaire. Il faut utiliser la quantité minimale d'eau nécessaire pour ces ablutions car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on l'a dit, il faisait ses ablutions avec un moud. Un moud qui est l'équivalent de deux mains réunies, d'accord ? Ou il faisait ses grandes ablutions avec un sar. Donc c'est deux fois ça, quoi. Deux fois deux mains réunies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses grandes ablutions avec ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il est devoir de prendre l'exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en utilisant le minimum d'eau possible pour ne pas faire de gaspillage. صلى بهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا اللهم اجعلنا من التوابين الطاهرين. إن شاء الله الدرس القادم يوم السبت قبل العشاء ب45 دقيقة كالعادة في الأسلوب الثلاثة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. إن شاء الله prochain cours samedi 45 minutes avant العشاء sur الأسلوب الثلاثة. Et بارك الله فيكم pour votre patience et écoute.